il adorait les fleurs, il croyait au bonheur, il croyait tout choisir, ses plaintes, ses délires, l'enfant aux cheveux d'or. Il riait en vainqueur, sans gêne et sans pudeur, il riait de la vie, il riait de la mort, l'enfant aux cheveux d'or. L'enfant aux cheveux gris. Tant mieux si le sommeil est le frère de la mort. Je me rapprocherai encore et puis encore. L'enfant aux cheveux d'or. De mon âme tout entière, 100 fois je t'ai rêvé, 100 fois je t'ai aimé, 100 fois réinventé. L'enfant aux cheveux d'or. L'enfant aux cheveux gris. Et si un jour prochain tu me voyais pleurer, c'est toi qui doucement coulerais de mes yeux. Tu survivras en moi, tu vivras dans mon cœur. Tu vivras dans mes nuits, à l'ombre de ma vie. Saigne un dernier rêve, je refais à l'envers les chemins de la vie, les chemins de l'enfer. L'enfant aux cheveux d'or. Je sombre avec délire dans le malheur d'aimer. Tu n'es qu'un souvenir qui vient me déchirer. L'enfant aux cheveux d'or. L'enfant aux cheveux gris. Les nuits toutes brûlantes de rêves interdits, images vénéneuses qui tournent au ralenti, ces sommeils meurtriers me torturent comme un cri. Je hurle ma délivrance qui brûle mes infinis. Un jour entre quelques amis, avec 3 sous d'amour et les fleurs de l'oubli. Je berce dans mes bras vides un amour sans espoir, avec la tête vide.